Web musique, encore cette semaine plein de bonne musique. Vous serez pas trop dépaysé, ça va être assez éclectique comme d'habitude. Musique qui vient de partout dans le monde, musique gratuite que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc rendez-vous sur le site de l'émission, c'est la meilleure façon pour télécharger toutes les pièces. Donc, c'est ça, une émission assez chargée de musique que vous entendrez absolument pas sur les ondes d'autres radios. Musique souvent exclusive ce soir. J'ai plusieurs pièces qui sont dues pour sortir demain. J'ai réussi à avoir ça pour vous ce soir. Donc, on va débuter avec Ruby, My Dear, la pièce Tanganyil. C'est publié sur Pavilion 36 Recordings, un excellent netlabel français. Ensuite de ça, sur Section 27, c'est Vectroid avec la pièce He Wanted to Read the Mind of God. Deux pièces excellentes pour débuter Web Musique. Mais moi, ce que je trouve l'arrangement dans ma tête, c'est que j'imagine comment les gens dansent. Alors, quand les gens dansent, par exemple, si elle a dansé à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, maintenant, il faut changer à droite. Yeah. Thank you. C'était la pièce He Wanted to Read the Mind of God par Vectroid, un artiste qui dit venir de la ville de Lego Island dans Hawaï. Donc, je me permets d'en douter. C'était publié sur Section 27. Avant ça, on avait débuté Web Music avec Ruby My Dear, un artiste français qui a fait un album split avec Substance B, un autre français. Leur album s'appelle Agoniste Beta 2. Donc, ça, c'était publié sur Pavilion 36 Recordings. On entendait la pièce Tanganil. Pour poursuivre, on va se diriger du côté de l'Allemagne sur le netlabel Kreschloff Organization. C'est l'artiste hongrois Nightfek avec sa pièce Termination. Ensuite de ça, sur Abstract Records, il s'agit de Maca qui vient de Buenos Aires, mais Buenos Aires en Argentine. Je vous fais passer sa pièce Impasse à Web Music. On écoute tout de suite Night Effect. Thank you. Thank you. une pièce assez planante de Maca, un artiste qui vient de Buenos Aires en Argentine. C'était sa pièce Impasse. Ça, c'était publié sur Abstract Records. Puis avant de la ville de Budapest en Hongrie, c'était Night Effect avec sa pièce Terminations. Ça, c'était publié sur Kreschloff Organization, un net label qui nous vient de l'Allemagne. Je vous rappelle que toutes les pièces entendues à l'émission, ben, c'est possible de les télécharger gratuitement. Rendez-vous au www.webmusique.ca. Vous allez avoir accès à toute cette bonne musique de façon gratuite. Si vous le voulez bien, finalement, vous n'avez pas vraiment le choix. On va faire une petite pause, puis je vous reviens tout de suite après pour la suite de Web Music. Offrez-vous un T-shirt officiel de CKRL à 12$ au lieu de 20. Pendant 5 semaines et jusqu'à épuisement des stocks, nos 5 variétés de T-shirts seront offertes en alternance pour seulement 12$. Du 18 au 22 juillet, le bleu. Passez-nous voir sur semaine de 9h à 17h au 405 3e Avenue. À CKRL, l'émission Le Continental de François Tremblay, c'est comme qui dirait un tantinet pré-potron-minet. Le Continental, c'est une danse, c'est aussi un déjeuner assez copieux, mais Le Continental, c'est également l'émission matinale de CKRL. Avec ses actualités au quotidien, ses choix de sortie et ses chroniqueurs chevronnés. Animé par François Tremblay, du lundi au vendredi dès 7h, Le Continental... Seulement au 89.1. C'est CKRL, 89.1. Vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy pour l'émission Web Musique. Donc, on a une première moitié d'émission qui était quand même assez tranquille, musique électronique assez planante. Pour la suite de l'émission, ça risque de dégénérer un peu. Donc, on va entendre tout de suite Ghost Kid qui est publié sur BFW Recordings, un net label vraiment actif. Beaucoup d'albums à leur actif. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur BFW Recordings. On va entendre la pièce de Mysteries in the Control Room par Ghost Kid. Ensuite de ça, sur un net label que j'aime bien, le net label s'appelle Pterodactyl Squad. C'est un net label qui se spécialise dans la musique tendance 8-bit, musique de jeux vidéo imaginaires. Donc, vous voyez un peu l'image que ça donne. Le groupe s'appelle Noise Waves. Je vous fais passer la pièce Do I Look Like I Want to Play Volleyball? Une pièce à tendance 8-bit avec un peu de post-rock au travers. Vraiment assez surprenant. Donc, c'est ça, on écoute tout de suite Ghost Kid avec la pièce de Mysteries in the Control Room. We'll be right back. Thank you. de la ville de Grand Rapids au Michigan, c'était Noise Waves avec la pièce Do I Look Like I Want to Play Volleyball. Ça, c'était publié sur Pterodactyl Squad. Avant ça, on avait débuté cette demi-heure avec Ghost Kid, un artiste de la ville de Milwaukee. C'était la pièce de Mysteries in the Control Room, publiée sur BFW Recordings. Pour poursuivre l'émission, on va écouter Pitch Raza. C'est un artiste publié sur Dusted Wax Kingdom, net label de la Bulgarie. Vous entendez souvent des pièces qui proviennent de ce net label-là à l'émission. C'est parce que j'adore ce net label-là. On va entendre la pièce donc Never the Same. Ensuite de ça, sur Surism Phonoethics, c'est le groupe à tendance un peu industrielle de Distortion Mirrors. Je vous fais passer la pièce Circle of Wolves. Vous allez voir, une pièce excellente. C'était The Distortion Mirrors avec leur pièce Circle of Wolves. C'est un groupe qui vient de Los Angeles aux États-Unis, publié sur Surrealism Phonoethics. Avant ça, c'était un duo russe du nom de Pitch Raza. C'était la pièce Never the Same, publiée sur Dusted Wax Kingdom, un net label qui nous vient de la ville de Varna en Bulgarie. Pour la suite, la prochaine pièce, c'est vraiment pas pour les oreilles sensibles. C'est un artiste de la ville de Toulouse, en France. Il s'appelle Broken Toy. C'est publié sur Sociopath Recordings, donc un net label spécialisé dans la musique extrêmement brutale, souvent breakcore. Donc, vous allez voir, c'est une pièce vraiment, mais ultra brutale, qui s'appelle « Mal de vivre ». C'est publié sur son album Oniric Murder Rave. C'est une compilation qui comprend une compilation double de 27 pièces, donc vous pouvez télécharger gratuitement. Une compilation assez rough, merci. Donc, je vous invite à la télécharger si vous voulez être dépaysé un peu. Ensuite de ça, c'est un artiste assez spécial du nom de Audiophile. Vous allez voir, sa pièce s'appelle When the Day Breaks Up. Donc, un genre de mélange folk avec un peu de dubstep au travers, vraiment spécial. Donc, tout de suite, je commence à vous traumatiser avec Broken Toy. Je ne préviens pas, ça. Je ne préviens pas, ça. Je ne préviens pas, je ne préviens pas, je ne préviens pas. Ça s'est traîné de rive en rive. I'm going to go to the hospital. Une pièce à tendance folktronica, donc c'était Audiophile, un duo qui vient de la ville de Berlin avec leur pièce When the Day Breaks Up. C'était publié sur Phonocake, un autre vénérable netlabel, donc plein de matériel excellent à télécharger gratuitement sur Phonocake. Allez faire un tour, ça vaut la peine. Avant ça, c'était une pièce semi-brutale par Broken Toy, un artiste de la ville de Toulouse en France. C'était sa pièce Mal de vivre. Ça, c'était publié sur Sociopath Recording. Ben c'est ça, ça va déjà être tout pour Web Music. On se quitte sur une dernière pièce par l'artiste Org, ou bien ORG si vous voulez, un autre artiste de la ville de Berlin. Je vous fais passer la pièce de Lab Rec avec une grande suite de chiffres que je ne vous énumérerai pas. Donc, ben c'est ça, on se laisse là-dessus. Puis, ben je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Web Music.